666. Tellement que tu parles, tellement que tu parles. Hey. Hey. Tellement que tu parles. Je vais te faire regretter. Je vais te faire regretter. Je vais te faire regretter. Je crois que tu sais pas qui t'a fait. Hey, hey, écoute-moi, père, fils de pute. Aiguille dans l'œil, tu verras le sang qui gicle en 3D. Je vais te faire grandir en subissant le supplice du chevalet. J'essayais ton corps à des morts sous égal. Vivant, je ferai ton dépeçage. Manteau de ta peau pour l'hiver glacial. C'est plus moi, je serai toujours très pesant. Arrête de bouger avec la force de l'hérétique. Je vais chanter le déchirer de poitrine. La vierge de fertile du grand Jésus-Christ. J'ai cloué les mains dans tes propres cuisses. Faut que je me calme, ok. Ok, ok. Il faut que je me calme, ok. Ok, j'insiste. Il faut que je me calme, ok. Ok, ok. Il faut que je me calme, ok. Ok, ok. Il faut que je me calme, ok. Ok, ok. Ok, il faut que je me calme. Calme. Il faut que je me calme. Alors je me calme. Je me calme, je me calme, mais. Je t'avoue que ce genre de mec là. J'arrive pas à les laisser en vie. Tu comprends? J'arrive pas à les.